Chapitre 11e. Le lendemain matin, il adressa donc au prince Mazzazzoli la demande qui avait été arrêtée entre Carmelita et lui. « C'est ce grand enfant, s'écria le prince, qui, j'en suis certain, vous a tourmenté pour vous accompagner dans vos excursions. Elle a manifesté le désir de parcourir la montagne, et je suis heureux de me mettre à sa disposition. Vous êtes heureux d'aller où bon vous semble, librement, voilà qui est certain, et c'est bien assez que nous soyons venus vous chasser de votre appartement, sans encore vous prendre votre liberté. Excusez-la, je vous prie, elle n'a pas pris garde à ce qu'elle vous demandait. Refusez-vous de me la confier? Je refuse de vous ennuyer. » L'entretien ainsi engagé ne pouvait finir que par la défaite du prince. Ce fut ce qui arriva. Le consentement fut accordé, mais à une condition, et le prince la signifia lui-même à sa nièce. « Pour une fois, bien, dit-il avec une certaine sévérité, mais qu'il ne soit plus question de promenade de ce genre. J'entends que notre ami le colonel garde sa liberté. » Un quart d'heure après, Carmelita était prête à partir. Jamais le colonel ne l'avait vue plus belle. Elle avait revêtu un costume bizarre, une robe courte, serrée à la taille, par un ceinturon de cuir, modelant sa taille et ses épaules. Aux pieds, des souliers pris dans des guêtres. Sur la tête, un petit chapeau de feutre, sans plume, mais avec un voile gris flottant au vent. À la main, une longue canne. « M'acceptez-vous ainsi ? » dit-elle en posant sur lui ses grands yeux clairs. « Je vous promets de vous suivre sans demander grâce, et de passer partout où vous passerez. Le pied est solide, et je ne sais pas ce que c'est que le vertige. » Ils partirent sans qu'il pensât se demander comment, en un quart d'heure, elle avait pu improviser ce charmant costume de montagne, qui était un vrai chef-d'œuvre longuement médité par l'illustre Faugerolles. Et sans qu'il se dît qu'il était assez étrange, alors qu'elle ne devait pas faire d'excursion, qu'elle eut dans ses bagages des objets aussi peu appropriés à une toilette ordinaire que des guêtres et une canne. « Et où vous plaît-il que nous allions ? » demanda-t-il après avoir marché pendant quelques minutes près d'elle. « Mais où vous voudrez, dans la montagne, droit devant nous. Quand vous viendrez dans l'Apennin, si jamais vous nous faites le plaisir de nous visiter à Belmonte, je vous guiderai. Ici, guidez-moi vous-même. » « Car je ne connais rien. Tout ce que je désire, c'est aller le plus loin possible, le plus haut que nous pourrons monter. » Ils quittèrent bientôt le chemin pour prendre un sentier qui courait sur le flanc de la montagne, en côtoyant le ravin et en coupant à travers des pâturages et des bois de sapins. Personne dans ce sentier, personne dans les bois. Sur les pentes des pâturages, quelques bâches qui paissaient l'herbe verte ou qui venaient boire à des auges creusées dans le tronc d'un pin, et qui, en marchant lentement, faisaient sonner leurs clochettes. Ils avançaient, côte à côte, et quand le sentier devenait trop étroit pour deux, ils prenaient la tête, se retournant alors de temps en temps pour voir si elle le suivait. Elle marchait dans ses pas, sur ses talons, et quand un filet d'eau rendait les pierres du sentier glissantes, il n'avait qu'à tendre le bras pour lui prendre la main, et l'aider à sauter de caillou en caillou, ce qu'elle faisait d'ailleurs légèrement, sûrement, sans hésitation, en riant, lorsqu'elle éclaboussait l'eau du bout de son bâton. La journée était radieuse, et le soleil, qui s'était déjà levé dans un beau ciel sans nuages, avait dissipé les vapeurs du matin, qui ne persistaient plus que dans quelques vallons abrités, où elles rampaient le long des rochers et des arbres comme des fumées légères. Devant eux, la montagne se dressait comme une barrière de rochers pour y former l'amphithéâtre de Jamans et des monts de Vevey. Derrière eux, le lac brillait comme un immense miroir. En marchant, ils devisaient du spectacle qu'ils avaient sous les yeux, et Carmelita comparait ces montagnes à celles au milieu desquelles s'était écoulée son enfance. De là, un inépuisable sujet de conversation. Ils montèrent ainsi pendant près de 2 heures, sans qu'elle se plaignît de la fatigue ou demandât à se reposer. Mais la matinée s'avançait, et l'heure du déjeuner approchait. Il avait emporté dans son sac du pain et de la viande froide, et il comptait sur une source qu'il connaissait pour leur donner de l'eau. Bientôt ils arrivèrent à cette source, et pour la première fois ils s'assirent sur l'herbe. « L'endroit vous déplaît-il ? » ?»« Bien au contraire. » « Et choisi à souhait non seulement pour déjeuner, mais encore pour causer librement, en toute sûreté. » »« Et précisément, je vous parlais. » »« C'est même dans ce but, si vous voulez bien me permettre cet aveu, que je vous ai proposé cette promenade. »